Jusqu'à présent, nous avons utilisé les formes de vouvoiement, que ce soit au singulier avec « usted » ou au pluriel avec « ustedes ». Mais le tutoiement est courant en espagnol. En fait, il est plus courant en espagnol qu'en français, donc il faut aussi savoir l'utiliser. Mais en tant qu'étranger, il est souvent préférable d'engager la conversation en employant le vouvoiement, quitte à passer au tutoiement si votre interlocuteur vous tutoie. Pour passer au tutoiement, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un S après le A ou le E de la forme qu'on emploie avec él, ella ou usted. C'est comme en français. Le S est la marque du tu. Mais à la différence du français, on doit l'entendre à la fin du verbe. Comme toutes les lettres en espagnol d'ailleurs. Alors, si vous demandez à quelqu'un « Est-ce que tu parles français ?», vous direz « Hablas français ?» Bien, « hablas ». Il faut qu'on entende bien le S. « Hablas ». « Hablas français ». Alors, si vous demandez à quelqu'un « Pourquoi ne parles-tu pas espagnol avec elle ?» Pourquoi ? Porque. Porque. Ne parles-tu pas espagnol ? No hables. Encore une fois. Hables. Bon, il faut vous demander si après la syllabe accentuée, vous devez relâcher sur un A ou un E. Sur an ou en. Sur as ou es. Car A ou E sont les deux sons clés du présent. Porque no hablas? C'est ça, hablas, du verbe hablar. Espagnol? Espagnol. Avec elle? Con ella. D'accord. Porque no a... Et si vous avez besoin de plus de temps, alors vous insistez d'autant plus sur la syllabe accentuée, sans vous presser. Porque no hablas? Vous accentuez et prenez votre temps. Prenez votre temps pour choisir simplement entre A ou E. Mais en tout cas, ça doit être très clair.